la suite de Pierre annoncée à la terre. Je suis ressuscité, racontez à vos frères. Ma parole est lumière, comme un phare qui éclaire. Comme au feu qui éclaire, soyez forts et joyeux, mon esprit est le vent, regardez vers la croix, demeurez en prière. Partout dans le monde entier, allez, allez pour.